Il est 6h dans la radio déjà, mais oui, ravi d'être avec vous avec les Edith Cyprien et Lune Mila. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. L'info avec Delphine, bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Le conducteur de l'accident de Vaux était jugé hier, le 31 juillet. L'accident avait coûté la vie à deux jeunes de 17 et 20 ans. Le conducteur a été condamné à 3 ans de prison ferme, dont 2 avec sursis. Et puis, toujours la justice, MKM contre Aqualagon, bientôt l'épilogue. L'affaire sera jugée le 22 septembre. Les associations se mobilisent pour lutter contre les feux de brousse. Le WWF et Endemia lancent un appel aux autorités pour limiter les dégâts sur le patrimoine naturel de la Nouvelle-Calédonie occasionné par les feux. Et puis pour la quatrième fois, le Forum de l'immobilier prend place au Salon des Artisans. À partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, il rassemble 43 exposants. Des milliers de personnes ont défilé jeudi à Paris où de nouvelles violences ont éclaté en province contre la loi travail pour ce qui pourrait être une ultime journée de mobilisation sous la forme de manifestation. C'est le point de départ de la polémique autour du burkini qui a fait rage en France à la mi-août. Le procès de la Rixe de Sixco s'est ouvert jeudi à Bastia dans le calme. Et puis la défense de Jérôme Cahuzac qui a appelé jeudi le tribunal à prononcer une juste peine envers l'ex-ministre du budget après les révélations sur son compte caché à l'étranger. Le jugement sera rendu le 8 décembre prochain. Enfin au Brésil, Lula accusé d'avoir été le chef suprême de la corruption. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Materio Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot.

grands fabricants automobiles au monde entre 1931 et 2005. General Motors est redevenu le premier fabricant de voitures au monde devant Volkswagen et Toyota au premier trimestre 2012. Cela ne l'a pas empêché que son titre, qui avait perdu 95% de sa valeur, a bénéficié d'une nationalisation temporaire qui a duré un an et demi. Ces dettes ayant été remplacées par des capitaux propres et depuis 2014, le patron de General Motors est l'Américain Mary Barra. En 2014, General Motors a vendu 9 992 000 voitures dans le monde, une hausse de 2% par rapport à 2013. Donc il y a quand même eu des hauts et des bas, mais près de 10 millions de voitures vendues dans l'année. Ça fait du chiffre. Énergie, il est 6h08. Énergie Nouméa, 93.5. Étudiant, futur étudiant, les aides de la province sud, c'est en ce moment. Va voir sur tazar.nc. Du 16 au 18 septembre, au Forum de l'immobilier, le groupe Tropic vous offre un aller-retour pour Sydney. Venez découvrir la nouvelle gamme de villas contemporaines et les nouvelles résidences du Grand Nouméa sur le stand du groupe Tropic et repartez avec vos billets pour Sydney. Voir conditions sur place ou sur www.tropic.nc. Tropic, activateur de projets immobiliers. Besoin de créer ou refaire votre salle de bain? Socapor, robinetterie avec Duravit et Hansgrohe, sanitaire et meubles de salle de bain. Choix, qualité et conseils dans tout l'univers de la salle de bain. Socapor Plexus à Ducos ou sur Facebook. Socapor, donnez un sens à votre décor. Profitez de moins 30% sur le rayon sanitaire jusqu'au 1er octobre. Après Munich, Oktoberfest débarque à Nouméa avec GBNC Events et Énergie. Retrouvez l'ambiance festive et conviviale de cette fête bavaroise, mise en musique par la fanfare Malawi, ainsi qu'une sélection de 4 groupes locaux de référence. Venez célébrer ce rendez-vous incontournable et passez de bons moments entre amis lors de ces 6 soirées gratuites. Retrouvez tout le programme d'Oktoberfest sur le Facebook GBNC Events. Que vous soyez dans la Lune ou les pieds sur Terre, tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre. Centre-ville, Port-Plaisance et Bellevue. Santé, finances, famille, carrière et amour. C'est l'horoscope sur énergie. Personne n'ose l'avouer, mais tout le monde va l'écouter. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre. Centre-ville, Port-Plaisance et Bellevue. Yeah. Énergie Nouvelle-Calédonie. Music Station. Nous, c'est Énergie non-stop. Énergie, énergie, énergie, it's music only. anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Before I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? The way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame. No, we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Rendez-vous dans le Morning d'Énergie avec Matériau Center. Réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Le monde va aller mieux. Ah oui, bah bien sûr, avec la journée mondiale qui s'annonce aujourd'hui. C'est en 1994 que l'Assemblée Générale de l'ONU a proclamé le 16 septembre. C'est aujourd'hui, date anniversaire de la signature en 87 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. C'est la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. On va aller mieux, hein. Vous savez, la couche d'ozone, c'est ce fragile écran de gaz qui protège la Terre des rayons dangereux du soleil, préservant ainsi la vie sur notre planète. Les États sont donc invités à consacrer cette journée spéciale à l'encouragement d'activités concrètes conformes au protocole de Montréal et de ses amendements, et surtout de ses objectifs, la reconstruction de la couche d'ozone. Ça a commencé un tout petit peu. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour la protection de la couche d'ozone? Rouler un peu moins en voiture? Marcher un peu? Prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur? Un peu moins de clim peut-être. Faire des courants d'air, là aussi ça rafraîchit bien. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah, vous parlez de la météo dans moins de 2 minutes sur Énergie, il est 6h20. Énergie Nouméa. 93.1. 13.5. La 7 Païta, un espace conçu pour les professionnels et les artisans des métiers de l'eau. VRD, assainissement, adduction, plomberie, mais aussi gros œuvres, outillage et irrigation. Pour construire, rénover ou s'équiper, la 7, c'est le tout en un des matériaux de construction à Ducos, Païta, Coné, Lifou et sur www.7.nc. Le Cinécity présente Mécanique Résurrection. J'ai passé ma vie à organiser la mort des gens. Toi, je vais organiser ta vie. Je vais vous trouver une issue. À quoi vous pensez? Vous devez mourir. J'aurais jamais cru que mourir était aussi revivant. Il ne s'arrête jamais. Comme moi. Mécanique Résurrection, actuellement au cinéma. Cinécity, projecteur d'émotion. Envoie Mel Gibson au 41. Mais non, c'est pas Mel Gibson qui faut envoyer, c'est Mel Bourne. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo. Envoie Melbourne au 41. Énergie t'offre un aller-retour pour deux personnes pour Melbourne. Validité 6 mois. Envoie Melbourne au 41. Et pour 368 francs, gagne un cadeau de 145 600 francs. Envoie Melbourne au 41. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Tirage au sort le vendredi 30 septembre à midi en direct sur Énergie. Pour un repas réussi, une seule recette, la Chaumière au Quartier Latin. L'ardoise du marché, les spécialités mijotées et une cuisine faite maison renouvelée chaque semaine. Profitez de la formule entrée plat ou plat dessert au choix, à la carte, pour seulement 2880 francs. Oui, vous avez bien entendu, 2880 francs midi et soir. Pour déjeuner sur le pouce, rendez-vous à la boutique traiteur du restaurant La Chaumière, sur place ou à emporter. La Chaumière, ouverte du lundi au samedi midi et soir au Quartier Latin. Réservation au 27 24 62. Bonjour, c'est moi Mémé Sourire. Sais-tu que notre bouche est un vrai paradis pour les bactéries? Elles vivent paisiblement autour de nos dents, mais ces bactéries adorent les produits sucrés. Plus tu manges de sucre et plus les bactéries deviennent méchantes. Elles produisent des acides qui attaquent l'émail. C'est ainsi qu'apparaissent les caries. Cela peut faire très mal et tu peux perdre tes dents. Alors écoute Mémé Sourire. Pour des dents en bonne santé, évite les produits sucrés. Ceci est un message de l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Soyons détendus et restons allumés. Ça se passe dans C'est le Break, de 14h à 16h. Avec Diva Fashion, pour être top de la mode, 4e kilomètre 449 490. Chez Diva, on y va. C'est le Break avec Laetitia. Jeux, info, web, ciné, sport, musique. Avec Diva Fashion, des nouveautés toutes les semaines. Diva Fashion habille aussi tous les hommes. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Le point avec Météo France. Ce matin, malgré quelques nuages présents au lever du jour sur le nord-est et l'arrivée sur Marie en cours de matinée de quelques petits paquets nuageux accompagnés de rares averses, le soleil est généreux. Il le sera également tout le long du week-end. La preuve, cet après-midi, les nuages gagnent l'île des Pins en se morcelant et ils peuvent donner de rares averses. Ailleurs, le temps est bien ensoleillé avec quelques nuages le long de la côte est seulement. Balisée d'est à sud-est souffle entre 10 et 15 nœuds, localement 15-20 nœuds sur l'extrême nord. Les températures sont en légère hausse et elles sont comprises entre 26 et 29 degrés sur l'ouest, jusqu'à 31 sur l'ouest. Samedi, le soleil est encore généreux, même si quelques nuages stagnent encore sur la côte est, où ils peuvent donner une ondée en cours de matinée. Le vent a généralement faible le matin de secteur est. On aura une brise qui va atteindre 10-15 nœuds dans l'après-midi. Enfin, dimanche, tiens, ce sera le temps pour la Bluescope Race. Eh bien, le temps est généralement ensoleillé sur la Grande Terre. Aux loyautés, des passages nuageux donnent des averses éparses. L'isée d'est à sud-est se maintient entre 15 et 20 nœuds et peu de changements du côté des températures. Dans quelques instants, on sera avec The Sound, le groupe The 1975 French. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens avec la nouvelle Subaru XV. L'aventure commence sur www.subaru.nc. We'll be right back. la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Païta et Point Bout. Dans un instant, ce sera l'info sur énergie. J'ai une petite minute pour vous parler de la Blue Scope Race. Et à vous, auditeurs, vous êtes peut-être intéressés parce que vous ferez la grande traversée Farin-Médé en Svata dimanche. Mais dès samedi, le village de la Glisse va s'agiter sur l'Ansvata et s'animer avec des trophées d'ouverture à l'OA, par exemple. Il y aura aussi des baptêmes gratuits de stand-up paddle, des baptêmes gratuits de planches en fonction des conditions météo. Ce sera l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Et puis, il y a un grand jeu avec un sup Starboard à gagner et un voyage Vanuatu. Les bulletins jeux seront disponibles sur place ou si vous en avez déjà, eh bien vous pourrez les déposer à partir de demain au village de la Glisse de Lansvata pour la Blue Scope Race 9e édition. Le tirage au sort de ces cadeaux Starboard et voyage Vanuatu se fera mercredi prochain en direct sur Énergie. Allez, il est temps pour moi de souhaiter les fêtes du jour, Edith Cyprien ou encore Lunmila. Il est maintenant 6h30. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Le conducteur de l'accident de Vaux était donc jugé cette semaine. L'accident avait coûté la vie à deux jeunes de 17 et 20 ans. Le 31 juillet dernier, vers 10h du matin, sur la route de la tribu de Boyenne, un pick-up avait terminé sa course dans un arbre après une sortie de route. Le conducteur âgé de 21 ans et ses amis revenaient d'un mariage. Il a vu, a souligné son avocate lors de l'audience, ses amis mourir. Il ressent et partage la douleur des familles endeuillées. Le conducteur qui a donc été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Quelques heures plus tôt, ce 31 juillet, un autre accident exactement dans le même virage avait fait un mort, un jeune de 17 ans. Dernier jour, on poursuit avec la 4e édition du forum de l'immobilier qui prend sa place au salon des artisans. Le forum est donc ouvert vendredi, samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 15h. Il rassemble 43 exposants, 50 conférences, ateliers et 6 grands projets visités sont au programme grâce à la mise à disposition de navettes et 800 offres seront donc proposées ce week-end. Et puis des milliers de personnes ont défilé jeudi à Paris où de nouvelles violences ont éclaté et en province contre la loi travail. Pour ceux qui pourrait être une ultime journée de mobilisation sous la forme de manifestations. Dans la capitale, des heurts entre des groupes de casseurs et les forces de l'ordre ont fait au moins 12 blessés, 8 policiers et 4 manifestants, 16 personnes ont été interpellées. Des incidents ont également eu lieu dans d'autres villes comme Nantes, Rennes, Toulouse et Montpellier. Et puis, dernier jour donc du procès de Jérôme Cahuzac, la défense de Jérôme Cahuzac a appelé jeudi le tribunal à prononcer une juste peine envers l'ex-ministre du budget. Un homme fini, marqué du sceau indélébile de la trahison après les révélations sur son compte caché à l'étranger. Le jugement sera rendu le 8 décembre prochain. Enfin, moins de 15 jours après la destitution de la présidente Dilma Rousseff, le parquet brésilien a demandé la mise en examen de son mentor politique, l'ex-président Lula da Silva, alléguant qu'il était le chef suprême du réseau de corruption dans l'affaire Petrobras. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness as you'll send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the tell. La journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Et c'est l'horoscope. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, excellent vendredi aujourd'hui. Le Bélier, vous êtes soumis à des sautes d'humeur, l'ambiance devient pesante. Taureau, à deux, vous vous faites dans la confidence aujourd'hui. Gémeaux, vous devenez moins exigeant dans votre vie amoureuse, vous restez malgré tout assez méfiant avec les personnes qui vous abordent. Cancer, attention aux petites jalousies que vous n'aviez pas vu venir chez certains de vos amis. Lion, l'envie de bien faire vous pousse à faire des choses inhabituelles. Vous risquez de surprendre les personnes que vous aimez. Vierge, attention aux petits malentendus en tout genre. Les balances, vos proches sont un grand soutien pour vous. Vous le savez, en cas de besoin, vous pouvez vous reposer sur eux. Scorpion, veillez à conserver votre tonus. Avant l'arrivée de l'automne, vous devez prendre des forces. Sagittaire, vous saurez exactement ce que vous voulez, ce que vous attendez de l'autre. Capricorne, ne dépensez pas sans compter. Votre générosité risque de vous entraîner vers une mauvaise pente. Verseau, si vous êtes célibataire, vous irez droit au but vers la personne que vous aurez choisie sans hésitation. Et les poissons en couple, vous avancerez dans la construction de votre histoire. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no, no, yeah. You no, no, no, no, you gotta try. Emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, don't lie. No, don't you lie. No, no, no, no, yeah. No, no, no, no, you gotta try. Got to try. What you gonna do when it all comes out? What you gonna do, baby? And she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that makes me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. I lie and I lie and I lie and then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am. travailler, j'en ai jamais assez. Pour ne rien y faire, j'en ai trop abusé. Le temps c'est de l'argent, mais on attend pour longtemps. Si la vie est un défi, on use à bon escient. Comme repère le passé, la vie nous sourit comme elle peut nous faire souffrir. Combien nous reste-t-il et en étant vraiment sûr? Oh Dieu, seul maître, telle est la réalité. Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. Je vous parle de Cyprien dans un instant. Par avant, on va voir avec Delphine à la une de l'info à 7h. Eh bien, je vous parle des associations WWF et Endemia qui se mobilisent pour lutter contre les feux de brousse. Cyprien nous vient du grec Cyprius qui servait à désigner les personnes originaires de Chypre. C'est un prénom rare. Sa meilleure année, c'est quand même 2006 avec 450 naissances de Cyprien et en 2013, 122 garçons ont reçu ce prénom. L'âge moyen de Cyprien est de 42 ans. Alors, Cyprien est particulièrement sociable, enthousiaste, extraverti et grand consommateur de communication. Énergie, 6h52. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Chic, les nouveautés sont arrivées chez Chouchous. Découvrez en exclusivité les chaussures Star Wars chez Chouchous. Chouchous, rue Sébastopol, nouveau sur Couf et sur Facebook. www.a5.nc, le site de référence de la location de véhicules. Moins 10% si vous payez en ligne sur a5.nc. L'apprentissage est pour la messagère. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage est, voilà le messager. Connexion internet, fax et scan. Cyber.nc. Imprimante, reliure et plastification. Cyber.nc. L'écrivain public qui vous aide à rédiger vos courriers, lettres de motivation et CV. Ça, c'est signé Cyber.nc. Cyber.nc, le cyber qui t'accompagne. Derrière le musée de la ville. Pour le carrelage et la faïence, moi, c'est Courtois Revêt-Sol. Revêtements sol et murs, carrelage, parquet, faïence et pierre. Courtois Revêt-Sol, carrefour du golfe de Tina, du lundi au samedi. 43 33 11 et sur plan NC. Courtois Revêt-Sol, le choix, la qualité, les prix. Rejoignez-nous les 17 et 18 septembre à Lanzvata pour la Blues Cup Race, l'événement phare de l'année, le plus grand rassemblement de passionnés de glisse du territoire. Venez profiter de la plage pour vous initier gratuitement au windsurf, au stand-up paddle, au catamaran de sport et même à l'habitable. Renseignements au 79 72 75 en surfant sur le site www.ang.nc ou like la page Facebook Blues Cup Race. La Blues Cup Race, un événement ASPTT Nouméa Glisse avec la participation du Maridé, Vive, OPT, Lagoon, Total, Excellium, Aloha, Bluescope et Énergie. Énergie, Énergie. Le Caillafou Show. Avec Signal, faites de votre sourire votre plus bel atout avec des dents en pleine santé et éclatantes de blancheur. Le Caillafou Show. De la musique, des jeux, des rubriques et un animateur déjanté. C'est le Caillafou Show de 16h à 19h. Le Caillafou Show. Avec Signal, vous aussi relevez le défi quotidien. Brossez-vous les dents deux fois par jour. De 16h à 19h, devient complètement Caillafou sur Énergie. Énergie. Énergie. Énergie Nouvelle-Calédonie. J'écoute Énergie partout. Énergie. It's music only. Everything. tongue to our treacherous ledge. Only you are the sexiest man I've ever been with. Oh, you never harder than with all my spin. Avec un Coca-Cola bien frais, savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. 7h01, j'espère que ça va pour vous sur la route. On va souhaiter une bonne fête à Edith, il y a encore Cyprien et Ludmilla. Utilisation pour la loi travail, enfin au Brésil, Lula est accusé d'avoir été le chef suprême de la corruption. Vendredi 16 septembre, l'info, c'est avec Delphine, bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Le conducteur de l'accident de Vaux était jugé cette semaine. L'accident avait coûté la vie à deux jeunes de 17 et 20 ans le 31 juillet dernier vers 10h du matin sur la route de la tribu de Boyenne à Vaux. Un pick-up avait fini sa course dans un arbre après une sortie de route. Le conducteur, âgé de 21 ans, et ses amis revenaient d'un mariage. Le jeune homme était donc jugé mercredi devant le tribunal correctionnel. Il a vu ses amis mourir. Il ressent et partage la douleur des familles endeuillées, a déclaré son avocate lors de l'audience. Le conducteur a donc été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Quelques heures plus tôt, ce 31 juillet, un autre accident, exactement dans le même virage, avait fait un mort, un jeune de 17 ans. MKM contre Aqualagon, bientôt l'épilogue. Le président du tribunal administratif l'a annoncé hier matin. L'affaire sera donc jugée le 22 septembre. Pour rappel, le 21 décembre dernier, la société Aqualagon avait déposé plainte contre le mineur réclamant l'expulsion de MKM qui occupe une partie de sa parcelle sans autorisation depuis 2011. Mais après 3 renvois consécutifs, le tribunal de commerce s'est finalement déclaré incompétent pour juger ce dossier en mars dernier. Le mineur décharge actuellement son minerai à quelques mètres des bassins de Picoreiller d'Aqualagon. Il doit donc déménager son roi sur l'autre rive de la baie Ngo. Les associations sont... Parmi celles-ci, il y aurait plus de 200 espèces inscrites sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est-à-dire avec des risques élevés de disparition. On écoute Hubert Géraud, responsable Nouvelle-Calédonie pour le WWF. Le feu est une des plus grosses menaces pesant sur le patrimoine naturel calédonien terrestre, mais également sur celui des cours d'eau. Et ça a été même confirmé par Endemia, qui travaille sur la révision de la liste de la flore menacée. Ils ont révisé le statut de 600 espèces de plantes. Et sur ces 600 espèces, il y a 58% des espèces donc reconnues comme menacées qui le sont par le feu. Donc en première menace pesant sur la disparition de ces espèces de plantes, le feu. Toutes les espèces dont je vous ai parlé, elles sont cartographiées et ils peuvent mettre à disposition des collectivités et entre autres ce que l'on demande de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques pour pouvoir localiser de manière très simple, d'avoir des points qui disent donc tel carré, vous avez une, deux, trois, quatre espèces de plantes menacées. Donc ça va permettre d'orienter les moyens de lutte. Et l'appel est aussi lancé aux citoyens et à leur vigilance face au départ de feu. Plus les secours interviennent rapidement, moins les dégâts sur la faune et la flore sont importants. À noter que la direction de la sécurité civile vient d'interdire l'usage du feu non domestique sur l'ensemble du territoire. Pour la quatrième fois, le forum de l'immobilier prend place au salon des artisans. Le forum de l'immobilier est ouvert vendredi et samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 15h. Il rassemble 43 exposants, 50 conférences, ateliers et 6 grands projets à visiter sont au programme grâce à la mise à disposition de navettes. 800 offres seront proposées ce week-end. C'est à la Maison des Artisans. Nouvelle violence à Paris contre la loi travail. Des milliers de personnes ont défilé jeudi où de nouvelles violences ont éclaté et en province également contre la loi travail pour ce qui pourrait être une ultime journée de mobilisation, en tout cas sous la forme de manifestation. Plus de 170 000 personnes ont manifesté dans toute la France selon la CGT et environ 77 000 d'après le ministère de l'Intérieur. Lors de la précédente journée de mobilisation, la police n'avait répertorié que 30 000 manifestants sur le territoire. Dans la capitale, des heurts entre des groupes de casseurs et les forces de l'ordre ont fait au moins 12 blessés, 8 policiers et 4 manifestants selon la police. Et puis 16 personnes ont donc été interpellées. Des incidents ont également eu lieu dans d'autres villes comme Nantes, Rennes, Toulouse ou encore Montpellier. En Haute-Corse, ouverture du procès de la rixe de Cisco. Et c'est le point de départ, rappelez-vous, de la polémique autour du burkini qui a fait rage en France à la mi-août. Le procès de cette rixe est donc ouvert jeudi à Bastia dans le calme, malgré le rassemblement devant le tribunal de quelques centaines de personnes venues soutenir deux habitants du village poursuivis pour leur implication dans les échauffourées aux côtés de trois frères marocains. L'ouverture du procès, seul un des trois frères des marocains prévenus comparaissait puisqu'il était détenu, il était présent. Les deux autres absents fait savoir à leurs avocats qu'ils craignaient pour leur sécurité. Les deux villageois poursuivis pour leur implication présumée dans les échauffourées étaient présents, ils comparaissaient libres. Justice toujours avec le dernier jour du procès de Jérôme Cahuzac. Et sa défense a appelé jeudi le tribunal à prononcer une juste peine envers l'ex-ministre du budget. Un homme fini, marqué du sceau indélébile, je cite, et de la trahison après les révélations sur son compte caché à l'étranger. Le jugement sera rendu le 8 décembre prochain. Jugé pour fraude fiscale, blanchiment et fausse déclaration de patrimoine, Jérôme Cahuzac a reconnu depuis 10 jours la vérité accablante sur son compte, mais réfuté l'idée d'un système organisé, préférant parler de fuite en avant. Et puis au Brésil, Lula accusé d'avoir été le chef suprême de la corruption. Et oui, moins de 15 jours après la destitution de la présidente Dilma Rousseff, le parquet brésilien a donc demandé la mise en examen de son mentor politique, l'ex-président Lula da Silva, alléguant donc qu'il était le chef suprême du réseau de corruption dans l'affaire Petrobras. Le procureur a transmis au juge de cette même ville le dossier d'inculpation de Lula pour corruption et blanchiment d'argent. C'est un très bon journal, mais on attend tous l'info insolite. Delphine, pour terminer la semaine. C'est pas cool de mettre l'impression comme ça. Tu te venges d'hier ? Non ! T'as toujours pas résolu tes problèmes d'odeur, en tout cas. Tu pourrais remettre tes chaussures, s'il te plaît, JB ? Ou au moins achète des chaussettes, s'il te plaît. Voilà, et la censure, ça existe aussi, Delphine. Comment ça, je t'ai coupé le micro ? C'est une panne involontaire. Ah ouais, oh, ça y est, ils ont réparé, les techniciens. C'est bizarre. Une perruque noire ? Oui. Un sac à main, du maquillage à la truelle et un gros nez tordu avec une bosse. Voilà. Eh ben, tu veux encore pas travailler au port autonome ce soir ? C'est un peu plus ça. Voilà comment les témoins ont décrit un braqueur d'une banque voilà, dans un centre commercial. Ça te fait penser à quelqu'un autre que moi, bien Attends, sûr. Vas-y, répète. Une perruque noire, un sac à main, du maquillage à la truelle et un gros nez tordu avec une bosse. S'il se dit « Bonjour, c'est Chouchou ». Tu te rappelles le film Chouchou et Gad Elmaleh ? Oui. Voilà, et ben c'est exactement ça. Les gens ont dit bah, « Il ressemblait carrément à Chouchou ». Et du coup, le dossier, les policiers ont ouvert le dossier sous le nom Chouchou. Voilà, un braqueur qui s'appelle Adèle Claude, 42 ans, qui n'en est pas son premier braquage. On peut dire que voilà, la police a plutôt du mou. Ouais. Bon, c'était raté hein, pour être... Ils l'ont quand même attrapé. Ouais. Bah oui, ils l'ont quand même attrapé. Bah oui, quand même. Très bien. On l'a reconnu, c'était Chouchou. C'est Chouchou. Bah, merci Delphine. Il est 7h09.

semaine, rendez-vous dans le Morning d'Energie. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Et votre week-end sera bien, voire même très bien occupé. Voici quelques activités avec Énergie comme partenaire ou encore les nouvelles calédoniennes. Ce samedi, ce sera le 10e anniversaire de la piste du karting de Nakutakoin avec la fameuse course d'endurance de 5 heures. Ça se passe sur la piste et le début de la course à 17h samedi. Dimanche, toujours à Nakutakoin, ce sera le super motard avec le round 1. La Blues Cup Race à Lanzvat, 9e édition avec samedi et dimanche des animations, des baptêmes samedi avec le stand-up paddle et la planche à voile, le grand jeu concours pour gagner une planche starboard et un voyage au Vanuatu. Tout le monde peut jouer en déposant son bulletin jeu au village de la glisse. Et puis aujourd'hui, samedi et dimanche, c'est les nouvelles calédoniennes qui organisent le forum de l'immobilier. L'entrée est gratuite et ça se passe à la Maison des Artisans. Ça ouvre ses portes tout à l'heure, à 9h. Ça y est, tout le monde est bon, tout le monde a installé ses stands. Ah, il reste juste encore un autocollant à poser et tout le monde est prêt, ben, c'est parfait. Dans moins de 2 minutes sur Énergie, on fait un point sur la météo qui, je ne vous le cache pas, sera belle pour ce week-end. Énergie Nouméa, 93.5. Ce soir, on se retrouve tous à l'Afterwork Thank God It's Friday dans les jardins du Deck, complexe Château Royal. Avec DJ Agoriaz et DJ Tom Tom au platine. Thank God It's Friday. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Simply Market. Jusqu'au 2 octobre, vos deux supermarchés Michel-Ange et Tontouta vous invitent à savourer un cocktail de prix cadeau. Et les derniers jours, profitez de remises sur vos produits Auchan. Alors, jusqu'au 2 octobre, soyez festifs, soyez Simply. Simply Market, Michel-Ange et Tontouta. VIP, be Simply. Les Camps Sport, le spécialiste de la course à pied, des sports de raquettes, de la natation et du camping. Des arrivages réguliers et des prix toujours plus bas. Le sport à l'état pur, c'est chez Les Camps Sport, face au stade Nimadali à Magenta. Téléphone 28 51 98. Les Camps Sport. Hey les filles, samedi 17 septembre au Cartel, c'est le Chippendales Australia Show. De nombreux lots à gagner et un show de Chippendales australien inoubliable. Prévente à la boutique Olala, au Saint-Trop, au Cartel et sur eTicket.nc. Le Chippendales Australia Show, c'est pour vous les filles, samedi 17 septembre au Cartel, Baie des Citrons. Toutes les infos sur la page Facebook Cartel NC. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Jusqu'au 18 septembre, on est si bien dehors avec Monsieur Bricolage, Ducos et Kenuine. Table 6 fauteuils plus 6 coussins ratants et verts, 99 900 francs. Tondeuse thermique poussée plus bac, 3,75 chevaux, coupe 46 cm, 46 900 francs. Monsieur Bricolage, Ducos et Kenuine. On peut compter sur lui. Deux magasins plus proches de chez vous. Le patrimoine qui fait rêver. Tout un programme, n'est-ce pas? C'est en tout cas le thème du mois du patrimoine. Il a commencé le 3 septembre et se terminera le 1er octobre. Le mois du patrimoine est un grand événement culturel où chaque année de nombreuses associations, les musées et les institutions sont mises en lumière pour vous proposer gratuitement des animations, des expositions et des rendez-vous surprenants. Partout en province sud, le patrimoine va vous faire rêver. Téléchargez le programme sur province-sud.nc. La province sud, une collectivité d'action. The Film, c'est The Bon Souvenir sur The Radio. Tous les jours à 14h10, Énergie fait un gros plan sur des films que vous avez peut-être loupés au cinéma et que vous souhaitez voir ou revoir. The Film. Avec Sud Motors, concessionnaire Triumph. Sud Motors, 200 rue Hollène, Porte de Fer, 28-28-56. Comédie, thriller, drame ou blockbuster, les bandes annonces sont un bon moyen d'avoir envie de voir un film. Retrouvez-les dans The Film avec Sud Motors et Triumph, votre shop moto. Accessoires et équipements du motard aux Porte de Fer. J'ai jamais rien entendu d'aussi ébouriffant. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Le temps de votre week-end avec Météo France, mais on débute par cette matinée. Malgré quelques nuages présents, levé du jour sur le nord-est et l'arrivée sur marée en cours de matinée de petits paquets nuageux accompagnés de rares ondées, le soleil est généreux. Cet après-midi, les nuages gagnent l'île des Pins en se morcelant. Ils peuvent donner de rares averses. Ailleurs, le temps est bien ensoleillé avec quelques nuages toujours le long de la côte est. L'Alizé d'Est-Sud-Est va souffler entre 10 et 15 nœuds, localement 15-20 nœuds sur l'extrême nord. Et nous avons des températures maximales qui sont en légère hausse. Elles seront comprises entre 26 et 29 degrés. Et attention, on ira même jusqu'à 31 sur l'ouest Karen. Ça va être chaud là-bas. Le soleil est très généreux demain samedi, même si quelques nuages stagnent sur la côte est. Et dimanche, le temps est généralement ensoleillé sur la Grande Terre. Aux loyautés des passages nuageux donnent de rares averses éparses. L'Alizé d'Est à Sud-Est se maintient entre 15 et 20 nœuds. Et peu de changements du côté des températures. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. When I wake up in the morning, I see nothing for miles and miles and miles. When I sleep in the evening, oh Lord, there she goes, only in dreams, she's only in dreams. Will my love, we've been here before, don't drag me through this again. We tried everything under the sun. Now I'm trying to wake up from this, I'm trying to make up for it. All we ever do is all we ever knew. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. À suivre dans quelques instants l'info sur énergie. Ensuite, ce sera Florence Foresti, Madame Foresti, son spectacle 2015. Ah bah tu vois, non mais je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher, c'est... Les gens sont contents, il y a des applaudissements. Si vous voulez avoir la suite, vous restez avec nous, bien sûr. Et puis Van der Kroet, à 8h10, nous dira, après qu'on ait parlé de l'anniversaire des célébrités, pourquoi le ballon de rugby est-il ovale. On va souhaiter une bonne fête, ou les bonnes fêtes du jour. Il y en a effectivement trois. Bonne fête à Edith, à Cyprien, ou encore à Ludmilla. Énergie, il est 7h30. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour à tout le monde. Le conducteur de l'accident de Vaux était jugé cette semaine. L'accident avait coûté la vie, rappelez-vous, à deux jeunes de 17 et 20 ans. Le 31 juillet dernier, vers 10h du matin, sur la route de la tribu de Boyenne à Vaux, un pick-up avait fini sa course dans un arbre après une sortie de route. Il a vu ses amis mourir. Il ressent et partage la douleur des familles endeuillées. Voilà ce qu'a souligné l'avocate du conducteur, qui était âgé de 21 ans et qui, avec ses amis, revenait d'un mariage. Il a donc été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. On rappelle que quelques heures plus tôt, ce 31 juillet, un autre accident exactement dans le même virage avait déjà fait un mort. Le WWF et Endemia lancent un appel aux autorités pour limiter les dégâts sur le patrimoine naturel de Nouvelle-Calédonie occasionnés par les feux. Cette alerte intervient à la veille de la saison des feux de brousse et suite à l'incendie qui a ravagé 25% de l'île d'Ar, qui fait partie de l'archipel des Bélèves. Le constat réalisé par les deux associations est sans appel. Le feu est le principal danger pesant sur les espèces menacées. Pour cela, Endemia et WWF demandent à ce qu'une cartographie de ces espèces soit utilisée dans les interventions des pompiers pour prioriser les zones à protéger. Et puis des milliers de personnes ont défilé jeudi à Paris où de nouvelles violences ont éclaté et en province contre la loi travail pour ce qui pourrait être une ultime journée de mobilisation sous la forme de manifestations. Dans la capitale, des heurts entre des groupes de casseurs et les forces de l'ordre ont fait au moins 12 blessés, 8 policiers et 4 manifestants. 16 personnes ont également été interpellées puis des incidents ont éclaté dans d'autres villes comme à Nantes, Rennes, Toulouse et Montpellier. La défense de Jérôme Cahuzac a appelé jeudi le tribunal à prononcer une juste peine envers l'ex-ministre du budget, un homme, dit-elle, fini, marqué du sceau indélébile de la trahison après les révélations sur son compte caché à l'étranger. Le jugement, lui, sera rendu le 8 décembre prochain. Enfin, moins de 15 jours après la destitution de la présidente Dilma Rousseff, le parquet brésilien a demandé la mise en examen de son mentor politique, l'ex-président Lula da Silva, alléguant qu'il était le chef suprême du réseau de corruption dans l'affaire Petrobras. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. You know very well I want you gone. The feet of me tread the ground that I am walking on. Your pillow and writhing in the naked sweat, hoping somebody someday will do you like I did. When it gets cold outside, I got nobody to love. You'll understand what I mean when I say there's no way we're gonna give up. And like a little girl cries in the face of a monster that lives in a dream. Say, is there anyone out there? 'Cause it's getting harder and harder to breathe. Getting harder and harder. Détendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis du lundi au samedi. Florence Foresti, le spectacle 2015. On a obligé. Ah mais moi je mens à ma fille, mais du matin au soir. Ma fille de 7 ans, mais moi je lui mens ma race. Ah mais tout le temps, en permanence, maman, pourquoi est-ce qu'il faut aller à l'école pour trouver un travail? Quelle conne. On invente, bien sûr. Maman, est-ce que le prince charmant existe? Bien sûr. C'est ton père. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais non, chérie, enfin. Mais qu'est-ce que tu allais chercher là? Mais non, tu vas pas mourir. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais non, tu vas pas mourir. Bah parce que... Eh ben parce que je veux pas. Voilà, tout simplement. Eh ben j'ai fait la demande, figure-toi. À la personne qui s'en occupe. Okay. François Hollande, allez, à table, parce que là, vous me faites chier. Quoi? Maman? Ah non, chérie, maman ne mourra jamais. Jamais! Car maman est immortelle. Comme Lara Fabian. Bon, ça, c'est évidemment mon plus gros mensonge, hein, bien sûr, parce que d'une part, je chante comme une merde. Mais surtout, à 40 ans, tu sais que t'es pas immortelle, ça c'est sûr, parce que, alors, je vais te dire, tu te rapproches, hein. Enfin, je veux dire, c'est psychologique, c'est un cap psychologique, 40 ans, tu sais que t'es à mi-vie, quoi, tu vois. Ah bah si, moi, je suis au milieu, je le sais, début, fin... Je suis là. Voilà. Et encore, si t'as de la chance. Moi, à mon avis, avec la vie que je mène, hop là. Allez, Forest. Ah bon, je suis plus proche de la fin que du début, c'est sûr. Hein. Le plus gros de ma vie est derrière moi. Hein. Et je parle pas de mon cul, hein, bien sûr. Quoique. Mais non, mais j'invente rien, tu sais ce qu'on dit. On dit à 20 ans, t'as la vie devant toi. Eh ben, à 40, c'est logique, tu l'as derrière. Voilà. Et moi, quand je me retourne, bah, qu'est-ce que je te dis, j'ai manqué de rien, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait de l'aventure, il y avait de la passion, du frisson, du suspense, de l'amour, des chagrins, certes, mais de la vie, quoi, de la pure. Oh, et là... C'est calme, hein, dis donc, il n'y a pas grand monde, hein, on se fait chier, hein, putain. Y'a quelqu'un? Non, bien sûr, bah non, bien sûr. C'est amusant, dis donc. Il y a comme un cul-de-sac que je ne voyais pas de là-bas. C'est vrai, quand t'es là-bas, c'est très flou, et là, tout d'un coup, ça devient très net, quoi. Il n'y a plus d'issue, quoi. Il n'y a pas de sortie de secours, rien, ça s'arrête net, quoi. Oh, putain, il y a quelqu'un. Bonjour, madame. Ménopause? À bientôt. Oh, bah, c'est sûr qu'il ne va pas m'arriver grand-chose d'autre. Hein. Ça y est, à 40 ans, t'es à l'abri de l'aventure. Hein. Ça y est, c'est bon. Déjà, à 40 ans, t'as plus de passion, quoi. Enfin, si, t'as des passions, mais elles ont légèrement changé, quoi. Moi, ma passion, désormais, c'est le linge de maison. J'adore ça. Ouais, tout ce qui est drap en lin, tu sais, linge de lit. J'adore le lin. Tu sais, le lin froissé, lavé, c'est frais en été, c'est chaud en hiver. J'adore, c'est une matière noble. Un bon tombé, le lin. J'adore ça, je chine beaucoup de lin. J'adore les coussins aussi, j'adore les coussins. Je balarde des coussins partout dans la baraque, on peut plus s'asseoir nulle part. C'est merveilleux, les coussins. Hein. Oh, les plaids. Oh, les plaids. Quand il fait frais, un petit plaid de lin, tu me dis, j'adore les plaids. J'en ai énormément, 64 il paraît, j'ai 64 plaids chez moi. Ouais. Puis alors des fois je jette des plaids sur des coussins en lin, là je suis en passion. Passion. Ma vie c'est Marie-Claire Idée maintenant, ça y est. On y est, enfin bon, je fais quand même pas que ça évidemment. Hein. J'ai d'autres occupations, bah oui, par exemple le yoga, qui me prend beaucoup de temps, bien sûr, le yoga. Je me suis inscrite pour essayer de me rallonger la vie, bien sûr, namasté. Qui signifie la lumière en moi voit la lumière en vous. C'est pas vrai, je vois rien, c'est tout. Mais c'est bien le yoga, c'est adapté au quadra, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est adapté à nos âges. Parce qu'en fait, c'est des postures, en fait, c'est des positions, tout simplement, c'est un enchaînement, tu vois. Ça, par exemple, c'est la montagne. Ça, c'est l'arbre. Ça, c'est l'aigle. Oui, alors franchement, l'aigle, ça aurait été que deux mois, on faisait ça, c'était réglé, mais enfin bon. Il y a aussi, il y a quand même des postures plus compliquées. Hein. T'as des postures plus actives, t'as des postures de guerrier au yoga. Il y en a trois. T'as trois guerriers. Regarde, le guerrier numéro un, c'est comme ça, magnifique, magnifique. Le guerrier numéro deux, oh, c'est bon. Et le guerrier numéro trois, qui a pas dû gagner beaucoup de batailles, celui-là, mais enfin bon, il était là. Et il y a aussi des postures de repli, hein, tu sais, au yoga, pour te calmer, des postures au sol, j'adore. C'est quand t'es énervé, tu fais la posture de l'enfant, qui est très jolie. Regarde, hop. Posture de l'enfant. Bon, moi, j'ai jamais vu aucun gosse se tenir comme ça, je te le dis. Ou alors il faut appeler les urgences directement. Et ah, oh, ma position préférée, la posture du cadavre. Hop. Oh, celle-là, je l'adore. Elle existe, hein? C'est la dernière d'ailleurs dans le cours. Savasana en sanskrit. cadavre. Alors ça, à mon avis, c'est pour te donner un avant-goût de ce qui t'attend. Oh, je suis fâchée, je suis vieille, je peux plus courir. Je suis énervée. Ça marche fâchée ? C'est génial. J'adore ça. Enfin, j'adore ça. C'est pas ça, c'est que je suis contente d'en avoir fini avec la tyrannie du jogging, là. Non, parce que, alors, franchement, je sais pas vous, mais moi, je suis intimement convaincue que l'humain n'est pas fait pour courir. Non, bah, c'est évident, je veux dire, on n'est pas fait pour ça. C'est, tu vois bien comment on en chie, regarde ça. On a l'air de quoi, là, on sait pas quoi faire des pattes avant, là. Alors que nous, on se freine. Bah oui, bien sûr, la prise d'air est énorme, on est vertico. La preuve qu'on n'est pas fait pour courir, c'est que de tout le temps, on est monté sur eux pour se déplacer. Ah, bon, l'inverse n'est pas vrai. Non, c'est pas joli, jumper qui monte sur Lucky Luke pour aller au saloon, excuse-moi. Pour être con. Puis même, je veux dire, même, si l'humain était fait pour courir, eh ben on se serait pas fait chier à inventer la bagnole et tout le reste. Ben on ferait tout en courant. En plus, c'est une condition de rêve, la bipédie. C'est génial, te rends compte, nous, on a libéré les mains. On peut porter des trucs et tout, on peut tracter aussi des choses. Oh mon Dieu, j'ai récemment fait l'acquisition d'un caddie roulant pour mes courses. Oh, j'en suis très satisfaite, hein. Ah, tu peux pas savoir le gain. Mon Dieu, le bénéfice, regarde. T'as vu? Il est plein, hein. Regarde. Mais c'est fou tout ce que tu peux trimballer là-dedans pendant que les jeunes se niquent les doigts avec les sacs plastiques. Ça, les jeunes. C'est lourd les packs d'eau, hein? J'en ai 16 là-dedans, hein? 1664 pour être précise, d'ailleurs. Non, je dis ça, mais... Non, je vois bien que je suis en décalage avec la jeunesse, ça y est, c'est évident. Bah, je vois bien avec mon caddie, voilà, c'est terminé. À 40 ans, tu te sens en décalage avec la jeunesse, mais avec le monde aussi, tout simplement, avec la société moderne. Moi, par exemple, je ne tweete pas. Voilà, je tweete pas. Bon. Je tweete pas, pour faire un cake, parce que je tweete pas, hein, et pas mort d'homme, hein, je tweete pas. J'ai envie de tweeter, attention, hein. Oh putain, des fois, j'ai envie de tweeter, mais je me retiens parce que, je sais pas, je le sens pas, ce truc. J'ai l'impression que ça te tire vers le bas, Twitter. Et je pense que l'humain, faut pas le tenter, sinon il plonge. Et alors moi, la première, attention, hein, wouhou, bachelor, qui veut épouser mon fils? Confessions intimes, attendez-moi. Oh putain, j'adore la merde. Du délire et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls. Yeah. écoutez Énergie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-04-04. L'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est l'ami d'Empico. Ramco, de nouveau disponible chez Alto Marine. Allez, il y a beaucoup de comédiens, d'acteurs qui ont leur anniversaire. En ce 16 septembre, c'est le cas de Mickey Rourke, 64 ans. Il est le magicien le plus connu pour son grand succès commercial de tous les temps. Il vient d'ailleurs de s'offrir la villa la plus chère de Las Vegas. David Copperfield a 60 ans. 35 ans pour la chanteuse et actrice Shan Binging. Dans le cinéma, nous avons aussi Rosie De Palma qui en a 52. 47 ans pour le chanteur Marc Anthony. Il pourrait d'ailleurs travailler sur un disque avec son ex Jennifer Lopez. Sont-ils de nouveau amoureux ? En tout cas, on les a retrouvés sur scène il y a peu en plein air. Et puis, on va terminer avec celui qui a fait chanter des parents et des enfants. Il continue d'ailleurs à les faire chanter. C'est Casimir. Mais oui, le gros personnage a 42 ans. C'était l'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est du costaud. Ramco chez Alto Marine, Nouvelle-Plaisance ou Facebook Ramco NC. Énergie Nouméa. 93.5. Coco. Coco. TV. Attention, ceci est un message de votre magazine Coco TV. Aujourd'hui vendredi, retrouvez avec les nouvelles calédoniennes votre magazine télé préféré Coco TV. Au programme, Canal Plus fait sa rentrée à la télé. Retrouvez le documentaire Hiver Nomade sur NCTV, qui a reçu le prix du meilleur documentaire du festival Anuru à Boro. Également, découvrez le salaire des acteurs les mieux payés. Alors n'oubliez pas, Coco TV c'est aujourd'hui vendredi avec les nouvelles calédoniennes. Tu cherches un bateau ou tu veux équiper ton bateau ? Pense Speed Marine, membre du réseau Acastillage Diffusion à Nouvelle-Plaisance et sur Facebook Acastillage Diffusion NC. Body Action, nutrition sportive, matériel de remise en forme, fitness et accessoires. Faites-vous conseiller par Body Action. Toutes les infos sur Facebook. Body Action, le seul spécialiste de la forme depuis 28 ans. Sauvant Carrelage, la qualité, l'expérience et le prix à votre service depuis 50 ans. Sauvant Carrelage, complexe du Coast Factory, 27 46 14. Chez Sauvant, le carrelage, c'est tout simplement notre métier. Jusqu'au 30 septembre avec Nescafé, embarque pour l'été. Il y a une plate à gagner. Une plate ? Je veux dire un bateau avec un moteur ? Ben oui, un bateau pour kiffer l'été. Trop bien ! Mais alors je fais quoi pour gagner ? Pour participer, joins deux preuves d'achat de produits Nescafé à ton bulletin de participation et envoie ou dépose le tout chez Nestlé. Ok, c'est comme si c'était fait. Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement disponible chez Nestlé. La cuisine au restaurant Marmite et Tire-Bouchon, une affaire de passionnés. Régalez-vous d'une cuisine délicieusement originale. Des nouvelles recettes chaque semaine, le goût de l'innovation dans une carte pleine de saveurs, une formule de prix sans surprise, à tarif unique, au choix, à la carte. Le restaurant Marmite et Tire-Bouchon, une cuisine de caractère. Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, baie de l'Orphelinat. Réservation au 25 17 05. Bonjour, c'est moi Mémé Sourire. Sais-tu que notre bouche est un vrai paradis pour les bactéries ? Elles vivent paisiblement autour de nos dents, mais ces bactéries adorent les produits sucrés. Plus tu manges de sucre et plus les bactéries deviennent méchantes. Elles produisent des acides qui attaquent l'émail. C'est ainsi qu'apparaissent les caries. Cela peut faire très mal et tu peux perdre tes dents. Alors écoute Mémé Sourire. Pour des dents en bonne santé, évite les produits sucrés. Ceci est un message de l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Les doigts dans la prise. Avec le Poplite. C'est le rendez-vous culture de l'Happy Time. Avec le Poplite, votre nightclub sur Pilotis. Tous les jeudis, découvrez le programme des spectacles vivants calédoniens. Alright, are you ready for this? Énergie Nouvelle-Calédonie. It's music only. La minute du professeur Van der Kroot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socapor, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles du professeur Van der Kroot. Pourquoi le ballon de rugby est-il ovale ? Stagiaire Bernardin, hein ? Ouais, professeur ? Qu'est-ce qui est le plus douloureux selon vous ? Se faire plaquer par une fille ou se faire plaquer par Chabal ? Je vous vois venir, professeur ! Et non ! Vous l'aviez pas vu venir, celui-là ! Faites attention ! Il réfléchit avec les bras, lui. Le rugby a été créé en 1823 dans la cour du collège de Rugby en Angleterre, d'où son nom. Le caoutchouc et la chambre à air n'étant pas encore inventés, c'est avec des vessies de porc qu'on conçoit les premiers ballons. Ouais, sport de cochon. Je rappelle Chabal ou ça ira? Je m'excuse. Les premiers ballons sont ronds, Bernardin, mais pas franchement pratiques lorsqu'il s'agit de se les plaquer contre le corps. En 1840, le cordonnier du village, monsieur William Gilbert, crée le premier ballon ovale qui colle à la peau et qui corse un peu le jeu. Désolé, madame, je vous jure, je visais le drop. Ce ballon ovale ne sera adopté officiellement que 37 ans plus tard, en 1877. Et le cordonnier Gilbert est depuis devenu le leader de la fabrication des fameux ballons. Vous jouez à quel poste en général, vous, stagiaire Bernardin? Je suis demi, professeur. Oh, pas étonnant, vous qui faites toujours les choses à moitié. Serait tout dans la minute du professeur Vanderkroot. Avec Cuisine Plus, chez Socapor Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. Oh, hello mademoiselle, hello milady. Parlez-vous français, connaissez-vous Paris? Voulez-vous que je vous appelle un taxi pour la tour Eiffel? Are you ready for a safari? Cross the périphérique, c'est encore plus beau que l'Afrique. We take the RER, we go to changer d'air. La chapelle direction le paradis. I won't bring you down to the Moulin Rouge. Si vous voulez, je vous emmène là où ça bouge. I will show you some beautiful city. Or les choisis. Bagneux, Fresnes aussi. Hello, hello mademoiselle. Hello, comment tu t'appelles? Hello, my name is Merlo. I will bring you to the famous 9-3. I will show you some real, real Kaira. Un petit tour dans le ghetto. Vous pourrez tester le bédo. Vous verrez des choses typiques comme la queue aux acédiques. We'll go to a petit restaurant. The name is La Fontaine à frites d'Oran. You should have a try the little sauce samouraï. Spécial gastronomie for 1000 de France. I won't bring you down to the bateau mouche. Si vous voulez, je vous emmène dans. Bagneux, Fresnes, Ivry. Hello, hello mademoiselle. Hello, comment tu t'appelles? Hello, my name is Merlo. Good. Come on. Are you ready? I will bring you. Come on. Crème la bicette, Bagneux. Tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go. Whoa! Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Caféine dans un instant. L'info aussi, on va souhaiter une très bonne fête à Edith, Cyprien et Lune Mila. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. C'est celle qui nous informe, c'est Delphine. Bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Le conducteur de l'accident de Vaux était donc jugé cette semaine. Le 31 juillet, l'accident avait coûté la vie à deux jeunes de 17 et 20 ans. Le conducteur a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Et puis, justice toujours, avec l'affaire MKM contre Aqualagon. Bientôt l'épilogue, l'affaire sera jugée le 22 septembre. Les associations se mobilisent pour lutter contre les feux de brousse. Le WWF et Endemia lancent donc un appel aux autorités pour limiter les dégâts sur le patrimoine naturel de la Nouvelle-Calédonie occasionnés par les feux. Et puis pour la quatrième fois, le forum de l'immobilier prend sa place à la Maison des Artisans. C'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Des milliers de personnes ont défilé jeudi à Paris où de nouvelles violences ont éclaté en province contre la loi travail pour ce qui pourrait être une ultime journée de mobilisation sous la forme de manifestation. C'est le point de départ de la polémique autour du burkini qui a fait rage en France à la mi-août. Le procès de la RICS de Cisco s'est donc ouvert ce jeudi à Bastia et dans le calme. La défense de Jérôme Cahuzac qui a appelé jeudi le tribunal à prononcer une peine juste envers l'ex-ministre du budget. Après les révélations sur son compte caché en France, le jugement sera donc rendu le 8 décembre prochain. Enfin au Brésil, Lula est accusé d'avoir été le chef suprême de la corruption. Énergie. Sport News. L'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. Et pour débuter, ce sont les matchs de la Ligue Europa. Et en déplacement à Mayence pour son entrée en lice dans cette Ligue Europa, Saint-Etienne a arraché un point grâce à un but tardif de Béric, le score 1 partout. Il y avait également le match opposant Nice à Schalke 04. Eh bien, c'est la victoire de Schalke 04-01. 04, c'est son nom, 01, c'est le score. On est tous au courant de quoi. Le prochain match du PSG se fera encore sans Ben Arfa. Eh oui, écarté du groupe contre Arsenal en Ligue des Champions. Atem Ben Arfa n'a pas été appelé non plus pour affronter Caen. Ça sera demain matin pour nous. Unai Emery, qui lui demande plus d'efforts en match et à l'entraînement, confirme son caractère inflexible, même face aux stars de l'effectif. Kurzawa et Aurier, légèrement blessés, seront eux aussi absents. Ça y est, Lyon tient son premier renfort offensif. L'Olympique Lyonnais a annoncé sur son site un accord pour l'arrivée de Jean-Philippe Mateta. Le joueur doit encore passer sa visite médicale. Il arrive pour renforcer le secteur offensif, un peu plus affaibli par la blessure d'Alexandre Lacazette. Benjamin Janot et Maxime Gonalos se sont fait sanctionner. Gonalon. Bah oui. It is a French. Yes, it's a French. Bon. Et pour une fois qu'il n'y avait pas une faute, le Lorientais Benjamin Janot a donc écopé d'une lourde suspension de 10 matchs pour avoir poussé l'arbitre de la rencontre perdue par le FCL face à Bastia. Déjà suspendu à titre conservatoire, il a déjà manqué 2 rencontres. Et puis, auteur d'un tacle violent sur le Bordelais Malcolm lors de la défaite de Lyon à domicile, Maxime Gonalon a écopé de 4 matchs de suspension de la part de la commission de discipline. Et encore une médaille pour les Français aux Jeux Paralympiques. Et encore un Janot, et là c'est Joël. Il a remporté la médaille de bronze dans l'épreuve de cyclisme catégorie H4. C'était jeudi à Rio et la France compte du coup 18 médailles. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec Fitzone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos sur Facebook. Bonjour, comment ça va ce matin? Bienvenue dans Caféine. Caféine, bienvenue sur la radio NRF, nouvelle radio pour les femmes. Delphine à l'info, Karen au micro, il y avait Mission il y a quelques instants, il y a Manon la stagiaire, tout va bien. Oui, il y a un appel que tu lances, c'est ça? Oui, je suis bien, ça va. C'est très bien, au moins ça cacote et ça caquette et on rigole bien. Attends, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, ouais, il touche mes boutons. C'est bien comme ça. Dans Music News, on parlera des fans de Justice. Ils vont être contents parce que justement, après 50 silences radio, ils vont ressortir un album avec un single. Et puis on parlera du clip de Major Lazer et Justin Bieber pour Cold Water. On va écouter Lost Frequencies pour démarrer. Mais j'ai une petite surprise parce que, oui, je t'écoute quand tu fais ton émission, JB. Qu'est-ce que c'est? Avec une chanson. Joyeux anniversaire. C'est Casimir, ça? Oui. Eh oui. C'est pas la chanson la plus connue, mais... C'est la chanson de Casimir. C'est la chanson de Casimir, j'aime bien. Bah oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il a quel âge? 42 ans. Il les fait pas. Ouais. Hier, c'était à quoi? Oh non, non, non. Ça ressemble à quoi? Casimir. Voilà, c'est ça bien. C'était un petit clin d'œil pour tout le monde. Je savais pas que t'avais une rubrique chanson pourrie. Non, c'est tout nouveau. Écoute, la chanson évolue comme elle peut, ok? La chanson pourrie du jour par Karen. Casimir, lui, il a pas évolué. Il est toujours orange avec un point orange, un point rouge, pardon, et un point jaune. Et il danse comme un... comme ça, là. Mais bon, je vais pas vous faire l'imitation. C'était un voit pas bien. Un petit clin d'œil pour tous ceux qui avaient grandi avec l'île aux enfants. Ouais, voilà. Comme JB. Moi, j'ai grandi. Oh. C'est drôle. Anywhere you want to go, I follow. We'll be right back.